Avez-vous déjà aperçu Julie ? Cette fille a quelque chose de spécial. Une fois qu'on l'a vue, jamais on ne l'oublie. Quand vous la verrez, attention, ça fera mal. Elle a pas besoin de fusil, elle a pas besoin de canon. Elle possède en elle de terribles ogives. La nature l'a dotée de jolis ceinturons. Sa poitrine est une arme de bandaison massive. Elle en a sauvé plus d'un grâce à ses deux jolis seins. Quand on les voit, on ne pense plus qu'à repeupler la France. Et même les militaires en oublient de faire la guerre. Pourra-t-elle sauver le monde grâce à ses mamelles rondes ? Elle est toujours là. Elle est toujours prête pour consoler un copain en détresse. Il suffit qu'il plonge sa tête au milieu de ses tétons qui se dressent. Tous les problèmes, tous les soucis disparaissent comme par miracle. Devant les seins de ma petite Julie, les idées noires subissent une débâcle. Elle en a sauvé plus d'un grâce à ses deux jolis seins. Quand on les voit, on ne pense plus qu'à repeupler la France. Et même les militaires en oublient de faire la guerre. Pourra-t-elle sauver le monde grâce à ses mamelles rondes ? Mais hélas, ma Julie n'existe que dans mon lit. Quand du fond de mes rêves apparaît cette nouvelle Ève, et moi je croque ses pommes, puis je sors de mon somme. Mais je recherche partout Julie dans notre monde de fous.